Nous sommes samedi 17 avril 2021. Bienvenue à ce journal de la mi-journée. Mais d'abord l'essentiel. Attaque perpétrée la nuit de ce vendredi à Lusaka dans la province Ngaro et 7 personnes ont été tuées et 4 autres blessées par des hommes armés. Les officiers de la police judiciaire ayant failli à leur mission méritent le retrait de leur carte de métier. C'est l'instruction que la ministre de la Justice donne au procureur général de la République en collaboration avec les procureurs provinciaux et la provinciale a dit ce vendredi. C'était au cours d'une séance de recueil des doléances de la commune, de la population de la commune Nyalusange. Toujours dans la rubrique justice, les travaux d'intérêt général pour les prisonniers et l'une des solutions de désengorgement des maisons carcérales. Cette proposition a été donnée au cours de cette semaine lors de la présentation du bilan des réalisations de 2020 de la Commission indépendante des droits de l'homme, CNDH. François Kimana sur la mise en onde et à la présentation. Vous êtes avec Ornella Mouch. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Page justice pour débuter ce journal. Les travaux d'intérêt général pour les prisonniers et l'une des solutions de désengorgement des maisons carcérales. Ceci a été dit mardi de cette semaine lorsque le président de la Commission nationale indépendante des droits de l'homme, CNDH, présentait le bilan des réalisations de 2020. Certains des députés sont revenus sur le texte régissant ces travaux vu que la loi y relative est déjà promulguée. Suivez Dr. Sixte Vingini Mouraba, président de la CNDH. Parmi les mesures non appliquées pouvant permettre le désengorgement des prisons, l'on a cité la non-application effective des peines alternatives à l'emprisonnement par le fait que les juges ne prononcent pas les condamnations à des travaux d'intérêt général, alors que leur mise en application contribuerait au désengorgement des prisons et profiterait non seulement au gouvernement, mais aussi aux personnes condamnées, surtout les petits ou les délinquants primaires, ainsi que ceux n'ayant pas pu payer uniquement les frais de dommages et intérêts. Page sécurité à présent, 7 personnes ont été tuées, 4 autres blessées dans une attaque perpétrée la nuit de ce vendredi par des hommes armés à Lusaka dans la province Ngaro, selon l'administration communale. Karine Kaneda, administrateur de la commune de Lusaka, indique que ces hommes étaient dans un cabaret. Cette autorité communale souligne que l'enquête est toujours en cours pour identifier les coupables et leur motivation. Elle appelle la population de cette commune à la tranquillité. Suivez le porte-parole de la police pour plus de précisions. Commune Lusaka, au chef-lieu de la commune, nous sommes en province de Moaro. Au cabaret dans certains épitaces. Le 16 avril 2021, vers 20h30, des criminels armés de Kalachnikov ont ouvert le feu sur les clients du bar. Ils ont mis fin à la vie de cette personne et ont blessé grièvement 3 autres. La police est vite intervenue et a pu mettre la main sur cette personne suspecte. Les enquêtes ont été déclenchées. À 13h01, page éducation. À présent, les élèves de l'école fondamentale de Kanenga en commune Manda de la province Bubanza se lamentent du manque de locaux suite aux pluies torrentielles qui ont détruit 4 salles de classe il y a 2 semaines. Les élèves sont obligés de s'alterner dans 2 salles de classe disponibles en attendant que les autres soient réhabilitées selon les précisions données par la direction communale de l'enseignement. L'administrateur de la commune Manda, de son côté, indique que ces locaux seront reconstruits en dur pendant les grandes vacances. Il était avec Space Caritas Kabanyan. Les élèves de l'école fondamentale Kanenga en commune Manda, tout comme leurs parents, s'inquiètent des résultats de ce troisième trimestre. Ils disent qu'ils étudient dans de mauvaises conditions suite au manque de locaux. 4 salles de classe ont été détruites par les pluies, 2 ont été recouvertes et sont en train d'être utilisées actuellement, tandis que les 2 autres ont été complètement endommagées, selon le directeur de l'école. Il précise que la solution intermédiaire prise au cours de ce troisième troisième trimestre et l'alternance des élèves dans les deux salles de classe disponibles. Les deux classes étudient avant midi pour céder la place aux deux autres dans l'après-midi. Karabagega Jean-Luc, directeur communal à Manda, fait savoir que ces salles de classe qui avaient été construites par les parents seront reconstruites pendant les grandes vacances par contribution de la commune, ce qui est confirmé par Nadine Nibitanga, administrateur de la commune Manda, qui déplore même le fait que ces locaux avaient été construits sans fer à béton, raison pour laquelle ils ne sont pas solides. Elle les tranquillise et fait savoir que ces locaux seront reconstruits pendant les grandes vacances par la commune. Spes Caritas Kabanyana, Bubanza, Radio Isanganiro. Merci Spes Caritas Kabanyana. Toujours page éducation. Certaines écoles de la commune Mishiha sont en besoin alarmant de bancs en pupitre, d'où les élèves sont obligés de suivre les cours assis par terre. Cette révélation a fait l'objet d'échanges entre les autorités de l'éducation de cette commune, les fonctionnaires et les natifs ce vendredi au cours d'une réunion tenue par l'administrateur de cette commune. La mise en place d'un fonds commun sous forme d'une solidarité locale a été l'une des solutions pour acheter les bancs pupitres et habiliter l'infrastructure scolaire à mauvais état. Pour plus de précision avec Raymond Moudende. Les écoles ont besoin à l'allemand de bancs pupitres où les élèves suivent les cours assis à même le sol sont par exemple l'école fondamentale de Mishiha. Comme cela a été expliqué par projection des images ce vendredi à Mugera en commune Mishiha et où les natifs de cette commune avec les fonctionnaires ont pu voir de leurs yeux cette réalité. Et ici le directeur communal de l'enseignement à Mishiha a expliqué que, par exemple, l'école fondamentale de Mishiha, avec des effectifs d'élèves toujours galopants, atteint 2178 élèves. Ici, il a indiqué que dans ces conditions, 10 élèves partageraient un même banc pupitre. Et comme cela est impossible, l'enseignant qui risque lui-même de ne pas avoir l'espace pour enseigner dispense les cours à une partie d'élèves assis par terre. Cette pire réalité s'observe dans d'autres écoles de cette commune, comme à Lusindu 1, Moussemo et Munzenze, où 4 élèves essaient de se partager un même banc pupitre et ceux qui n'y arrivent pas s'asseyent par terre. Il a été également remarqué sur les images qui ont été projetées que d'autres écoles sont en mauvais état avec en risque de démolition. Et face à toutes ces difficultés rencontrées en milieu scolaire en commune Mishiha, les natifs et les fonctionnaires ont tout de suite mis en place un fonds sous forme de solidarité locale qui aidera dans l'achat des bancs pupitres et la réhabilitation des infrastructures scolaires vieilles. Cette condition d'apprentissage observée dans ces écoles de Mishiha ont fait l'objet de désintéressement d'études, d'où les abandons scolaires. Et comme on l'a indiqué dans cette réunion, à peu près 6000 élèves ont abandonné les écoles dans cette commune de Mishiha entre 2017 et 2021. Depuis Changuzo, Raymond Moudende, Radio Isanganiro. Merci Raymond Moudende. Vous l'aviez entendu dans les titres. La ministre de la Justice demande au procureur général de la République, en collaboration avec les procureurs provinciaux, de retirer les cartes de métier aux officiers de police judiciaire ayant failli à leur mission. Jeanine Nibid, à la tête de ce ministère, l'a annoncé ce vendredi au cours d'une séance de recueil de dédoléances de la population de la commune Nyolusang. Elle leur a demandé en outre de mener une campagne de contrôle des maisons de détention, car selon elle, c'est là où proviennent les actes salissants, l'image du pays et plus particulièrement celle de la justice. Suivez-la, traduite en langue française par Mireille Kanyang. Vous incarcérez beaucoup de gens pour des motifs qui n'en valent pas la peine. Je viens d'entendre des gens qui ont des conflits autour des poules, des gens incarcérés. Vous pensez que nous avons combien de prisons? Qui accueille combien de gens? Ressaisissez-vous vraiment? C'est vrai qu'il est difficile, mais organiser au moins des réunions à leur intention pour qu'au moment opportun, en ayant des moyens, vous puissiez vous rendre sur terrain et qu'une fois vous constatez de pareils cas, que l'auteur soit déchu. Moi, je viens de passer environ 5 années sans pour autant entendre une carte retirée pour des officiers de police et judiciaire. Monsieur le procureur général, vous êtes chargé de contrôler les officiers de police judiciaire et de retirer leurs cartes de métier quand ils arrivent de faillir à leur mission. Si vous analysez comment le travail va mal, il faut retirer les cartes aux officiers de police et judiciaire qui ont déjà failli à leur mission pour regagner leur place dans la police ordinaire. Maintenant, il y a ceux qui n'ont pas de carte. Je ne sais pas comment ils sont mis en place de nos jours. Il y a le surnombre dans les prisons. Il faut faire en outre une campagne de contrôle de maisons de détention avec l'aide du procureur général de la République, qui le fasse par après la situation soit normale à notre tour. Nous n'emménagerons aucun effort pour les prisonniers. Pour les moyens, nous demanderions de l'appui aux échelons supérieurs pour que le contrôle des prisons ait lieu, car les actes qui s'y font dépassent la normale. C'était la ministre de la Justice, traduite en langue française par Mireille Kanyangé. Les jeunes peuvent exploiter leurs talents pour se créer eux-mêmes d'emploi. Témoignage de Bed Manirambona. Manirarora, plutôt un jeune entrepreneur qui vit d'une activité de moudre des feuilles de manioc au marché de Kayanda avec une machine électrique qu'il a fabriquée lui-même. Gilbert Nyandui, administrateur de la commune Kayanda, demande aux autres jeunes de cette localité de prendre ce jeune entrepreneur pour modèle. Il les invite à se regrouper au sein des associations et coopératives pour contracter facilement des crédits dans la banque d'investissement des jeunes. Ainsi s'achève ce journal, mais le rappel des titres avant la fin de ce journal. Attaque perpétrée la nuit de ce vendredi à Lusaka, dans la province de Mwaro. Et cette personne a été tuée, 4 autres blessés par des hommes non encore identifiés jusqu'à présent. Des officiers de police judiciaire ayant failli à leur mission méritent le retrait de leur carte de métier. C'est l'instruction que la ministre de la Justice donne au procureur général de la République en collaboration avec les procureurs provinciaux. Et l'a dit ce vendredi au cours d'une séance de recueil des doléances de la population de la commune Nyalusange. Toujours dans la rubrique justice et les travaux d'intérêt général pour les prisonniers, est l'une des solutions de désengorgement des maisons carcérales. Cette proposition a été donnée au cours de cette semaine lors de la présentation du bilan des réalisations de 2020 de la Commission indépendante des droits de l'homme. Ainsi s'achève ce journal. Dans quelques minutes, vous aurez droit à la revue de la presse.